lo servizio dell'autrice, lo militaire ne Paris, chacun sait ça. Mais si ça paye trop légère, on se console, c'est la guerre qui la paiera. Aussi morbleu, de Toulon sans barre, jeune beauté et flagon et cigare. Vive le vent, l'amour et le tabac, voilà, voilà, voilà, voilà le retrait du bivouac. Vive le vent, l'amour et le tabac, voilà, voilà le refrain du bivouac. Le vent, l'amour, l'amour et le tabac, voilà, voilà le refrain du bivouac. Le vent, l'amour et le tabac, voilà le refrain du bivouac. Le vent, l'amour et le tabac, c'est le refrain du bivouac. Les beaux yeux d'une inhumaine, de sa défaite on lit sans peine le pronostic. Nulle rigueur ne nous retient, de droit les belles appartiennent aux Kaiserlics. Se divertir a vu toujours mon principe, tout est fumé et la gloire est la vie. L'amour et le tabac, voilà, voilà, voilà, voilà le refrain du bivouac. Vive le vent, l'amour et le tabac, voilà, voilà le refrain du bivouac. Le vent, l'amour, l'amour et le tabac, voilà, voilà le refrain du bivouac. Le vent, l'amour et le tabac, c'est le refrain du bivouac. Le vent, l'amour et le tabac, c'est le refrain.